En Corée, un an a passé depuis l'ouverture du musée de Sinsan. Le musée expose des objets et des matériaux didactiques dévoilant la barbarie et l'atrocité des troupiers américains qui ont tué à l'époque du repli stratégique temporaire pendant la guerre de libération de la patrie en moins de 2 mois plus de 35 000 patriotes et autres habitants à Sinsan, équivalent à un quart de la population de l'arrondissement d'alors. Plus de 722 000 militaires de l'armée populaire, travailleurs de diverses couches, jeunes et enfants de plus de 9 580 entreprises, ainsi que compatriotes coréens d'outre-mer et étrangers l'ont visité.